Chapitre 5e. Monsieur Morel, malgré sa hautaine assurance, ne put cacher son profond et secret allégement après le départ de sa femme, qu'il avait cependant, par calcul, engagé à assister à son entretien avec monsieur du Bousquet. Celui-ci, après la sortie de madame Borel, paraît non moins craintif et timide qu'auparavant. Son chien, alors, frétillant de la queue, s'approche du banquier afin de le caresser, sorte de fait que l'intelligent animal faisait d'ordinaire au petit nombre de personnes qu'il voyait en tête-à-tête avec son maître. Mais brusquement surpris par les caresses du barbet, jusqu'alors inaperçu à ses yeux, M. Borel, de fort méchante humeur en ce moment, s'écrie « Qu'est-ce que ce vilain chien-là ?» Et d'un violent coup de pied dans la mâchoire, le banquier repousse les avances de bonhomme. Le chien jeta un cri plaintif et se réfugia tout tremblant auprès de M. du Bousquet, en contenant ses hurlements douloureux, car sa souffrance était grande. « Il est inconcevable que vous vous permettiez d'amener votre chien ici, » dit avec un redoublement de dureté M. Borel à M. du Bousquet. « Vous êtes d'une rare impertinence. » Le forçat libéré, dont l'œil était devenu humide en entendant le cri de bonhomme, lui fit signe de se coucher à ses pieds, car sa première douleur passée, le chien s'était redressé afin de lécher la main de son maître et de se consoler ainsi du mauvais traitement qu'il venait de subir. « Excusez-moi, monsieur, » répondit humblement M. du Bousquet. « Je ne me suis pas aperçu que mon chien me suivait. « Assez !» repartit brusquement le banquier. « Encore une fois, quel est le but de votre impudente visite ?»« Je devais croire qu'après votre avanie d'hier au soir, vous auriez la pudeur de ne pas vous montrer jusqu'au moment de quitter cette maison, que vous souilliez de votre présence. » « Quitter cette maison serait pour moi un très grand chagrin, monsieur, » répondons sans effroi monsieur du Bousquet. « Aussi j'ai le courage de venir à vous, pour vous supplier à main jointe, de me faciliter les moyens de rester séant. » M. Borel, regardant le repris de justice avec une stupeur muette, semble croire à peine ce qu'il entend. M. du Bousquet, encouragé par ce silence qu'il interprète favorablement, continue. « Si vous saviez, monsieur, quelles sont mes angoisses lorsque j'entre dans une nouvelle demeure ?» Et si retiré et si solitaire que je vive, quelle inquiétude me causent les nouveaux visages de mes voisins. Je crois toujours, dans les premiers temps, que chacun sait ou devine le secret de mon triste passé, que l'on jette sur moi des regards de mépris ou d'aversion. Puis, peu à peu, l'habitude affaiblit mes craintes, et il me semble que l'on me regarde comme tout le monde. Mais pour en arriver là, monsieur, je vous le répète, si vous saviez, mon Dieu, par combien de jours d'angoisse il me faut passer. Je frémis, rien qu'à la pensée de ce que j'aurais à souffrir de nouveau, s'il me faut quitter cette maison-là, où déjà j'étais bien accoutumé. » Le forçat libéré s'exprimait avec une sorte de bonhomie si touchante que M. Borel se sentit ému. Cet homme, quoiqu'il eût commis dans sa vie une action infâme, n'était pas méchant, et lorsqu'on le saura quelle était sa position à l'égard du repris de justice, on comprendra d'autant mieux l'émotion qu'éprouvait en ce moment le banquier. Aussi répondit-il avec une sorte de commisération, « Mais malheureux, vous êtes fou. Moi ? Vous redoutez, dites-vous, lorsque vous allez habiter un nouveau domicile, que l'on découvre votre ignominie ? Hélas, oui. Et pendant les premiers temps, je ne vis pas. Ces craintes sont pour moi un supplice de tous les moments. Mais encore une fois, malheureux que vous êtes, vous perdez la raison. Est-ce que depuis hier au soir, tout le monde dans cette maison ne sait pas que vous êtes un repris de justice ? Il n'est que trop vrai. » J'ai en descendant ici rencontré M. Lambert, le libraire. Il montait à son grenier, et il s'est montré hier pour moi si bon, que j'en éprouvais de la confusion, ainsi qu'il m'arrive toujours, lorsqu'une personne, ignorant mon passé, daigne me témoigner quelque intérêt. Eh bien, M. Lambert, en me voyant, a détourné la tête d'un air de dégoût et de mépris. Il en sera ainsi des autres locataires. Vous serez en horreur à tout le monde, et vous voulez rester dans cette maison, que vous devriez avoir hâte de fuir. « Encore une fois, vous êtes fou. Je suis, il est vrai, maintenant en horreur à tout le monde ici, parce que l'on me prend pour un scélérat. » répond le repris de justice d'une voix plaintive, et il ajoute timidement et en hésitant. « Et sans reproche, monsieur Borel, vous savez mieux que personne, s'il est vrai que je sois un scélérat, moi. »« Qu'est-ce à dire ? » reprend le banquier, redevenant hautain et menaçant. « Oseriez-vous ? » Je vous en conjure, ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, monsieur. Hélas, je ne veux ni ne puis récriminer contre vous. Je me suis mis à moi-même et volontairement la casaque rouge sur le dos. Je dirais la vérité qu'on ne me croirait point. J'ai déposé en justice contre moi-même. Vous me tenez par mes propres dépositions, Quelle foi accorderait-on à la parole d'un repris de justice accusant un homme dont tout le monde vante et dont hier encore les journaux, à propos de cet emprunt, vantaient la loyauté, la probité? Comment, misérable, oseriez-vous mettre en question ma probité? À Dieu ne plaise, monsieur. On a mes consciences, je le dis, et je le crois. Personne ne peut vous surpasser en probité, en délicatesse, depuis que vous avez fait fortune. Il est en vérité fort heureux que vous reconnaissiez cela. Je le reconnais. Mais enfin, avant de faire fortune, vous avez... Achevez donc, ayez l'audace de répéter une calomnie atroce. Hélas, monsieur, vous avez le droit de parler ainsi, puisqu'il a été écrit et signé par, qui vous savez, que la vérité était une calomnie, mais au fond de l'âme, vous ne pouvez vous empêcher de rendre justice à mon honnêteté. Pourtant, j'ai été aux galères. J'ai grandement souffert par votre faute. Eh bien, je ne vous demande qu'une chose et à main jointe, monsieur Borel. Soyez compatissant pour moi, et malgré tout ce que je pourrais vous reprocher, je vous serai éternellement reconnaissant. Oh, quelle patience il me faut! Voyons, dites donc ce que je puis faire pour vous. Vous êtes si haut placé, si universellement considéré, qu'un mot de vous, n'est-ce pas, serait accepté comme parole d'évangile par tout le monde. Ensuite, on vous croirait d'autant plus, en ce qui me concerne, que ce vol, que cette tentative de meurtre pour lesquelles j'étais condamné, justement condamné. Pouvez-vous dire cela, vous, vous, monsieur Borel? Oui, je le dis. Et pourquoi donc ne le dirais-je pas? Enfin, il m'importe, répond monsieur du Bousquet, étouffant un soupir. Ce crime a été commis chez vous. Vous avez déposé lors du procès. Tout ce que vous affirmerez au sujet de cette affaire sera donc cru. Où voulez-vous en venir? Achevez donc, c'est intolérable. Pardonnez-moi, monsieur, je suis si troublé. Je voulais en venir à ceci. Qu'est-ce que cela vous ferait, par exemple, de dire à M. Wolfram, et par lui ce serait bientôt connu dans la maison, quoi, que dirais-je à M. Wolfram, que j'étais plus malheureux que coupable, et que malgré ma condamnation, j'étais moins criminel qu'on ne pouvait le supposer, puisque condamné aux galères à perpétuité, j'étais, après plusieurs années de bagne, gracié en récompense de ma bonne conduite. Dites cela, monsieur Borel, dites seulement cela, en ajoutant que vous ne pouvez vous expliquer davantage. Vous jouissez d'une telle réputation d'honneur et de probité que monsieur Wolfram ne mettra point vos paroles en doute. Il les répétera. Mais ainsi, au lieu d'être pour tous les locataires un objet de mépris et d'aversion, j'inspirerai quelque pitié. Mon Dieu, je le sais bien, malgré cette pitié, personne ne voudra frayer avec un forçat libéré. À cela, je me résignerai. Je suis depuis longtemps accoutumé à l'isolement. J'ai toujours, depuis ma sortie du bagne, vécu seul avec mon pauvre bonhomme. À ce nom, affectueusement prononcé, le barbet, regardant son maître, lui répondit par un petit jappement. « Tais-toi, pauvre bête, tais-toi !» ajoute M. du Bousquet, mettant sa main sur le museau de l'animal et craignant de le voir de nouveau battu. Puis s'adressant d'un ton suppliant au banquier qui l'écoutait, impassible. « Soyez bon, soyez généreux, monsieur Borel. Accordez-moi la grâce que je sollicite, et ainsi je ne serai pas obligé de quitter cette maison pour aller recommencer ailleurs et souffrir de ces craintes, de ces angoisses dont je suis tourmenté, jusqu'à ce que je sois habitué au nouveau visage. Enfin, que vous dirais-je? Ici, du moins maintenant, mon compte est réglé. On sait qui je suis. Ce qu'il y a de plus pénible pour moi est passé. Lorsque, grâce à votre parole, monsieur Borel, on aura pour moi, au lieu d'aversion, un peu de pitié, eh bien, je me trouverai encore très heureux. Ce que je demande, c'est que l'on me supporte ici, rien de plus. Cela dépend de vous, monsieur Borel, uniquement de vous. Est-ce que vous aurez le courage de me refuser cela? Mon Dieu, j'ai tant souffert, et au fond de votre conscience, vous savez bien que je suis honnête homme.